PTG Mafia Killer. Le reste on les kill. Welcome music. It's so good. Hey! C'est pas fini, bande d'enfoirés. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille, transat toute la nappe. Olive sur la table, l'oseille sur la table. Jaco les laisse un peu de temps, ils ont pas su garder l'opportunité. Y'a pas qu'on mate qu'on résout, au quartier le djibal à l'unité. L'agressivité vient d'ici, donc faudra sentir en sécurité. Même si tu racontes ta vie, nous on s'en bat les colons, ton rap n'a aucune utilité. Dans le brolique se comporte la mélodie peut varier. 2-7-0, t'as la tresse, tu pourras jamais nier. Les négros sont alignés, la pièce est faux parfumée. Je deviens fou quand le mélange est fait dans la cristalline. Tu payes l'addition, sinon on te fera subir des opérations. Oui. Tu fais blaire, t'as une réputation. Que du bluff, t'es en dégradation. Ouais. Toujours nié à l'interrogation. Devant le machin, tu pues la transpiration. Lors du crime, respecte la ponctuation. Mes gars sont dans le pâte, mais c'est pas des maçons. Je suis dans la zone avec mon bédo, je me balade. 20 millions de clés égale un bénéf de malade. J'ai les mains sales, je coupe la cam. Tu croyais qu'on s'était séparés, t'es un malade. Si tu fais le show, tu finiras dans le congélateur. C'est la congélateur. Moi, y'a que l'argent qui peut combler mon cœur. Peut combler mon cœur. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Transat toute la night. Relique sur la table. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille, transat toute la nappe. Relique sur la table, l'oseille sur la table. J'suis avec une blanche qui veut coquer, elle fait des nuits blanches, le nez dans la cocaine. C'est une tape et son père croit que j'vais la doter. Mais la plupart du temps j'pense qu'elle a doté. J'suis sapé tout en noir comme Lucius Malfoy. Je roule à l'Hollandaise donc j'arrache la feuille. Les balles arrivent et tu pries pour que ça frotte. J'suis un Timal donc j'viens direct si ça frotte. Il a snitché, il dit que c'est pas de sa faute. Dans le pitch, vu qu'on en a vraiment rien à foutre. Chaque fois que tu t'aides, tu pars en courant comme si j'contrôlais l'électricité ou la foudre. J'suis hôtel avec un schlag, j'ai utiliser le slash, chez la nourrice, y'a de la de trop à gogo. J'suis pas sous mari, j'rote avec mes schlags. À la guerre, on débarque comme des sentinelles. Un seul regard de travers et glissant. J'suis repars en faisant des galipettes. Batara gang fait du bruit et ça s'entend. Bitch, tu connais le gang. Que des vrais négros du bangs. Illégalement, on veut ce qu'il a health. Incognito sans les flingues. J'détaille, everyday. J'vis serre, everyday. Oui, j'encaisse, everyday. Mais j'trouve pas ça assez. J'rêve de billets, violés par milliers. Mais tant que j'ai pas signé, j'm'arrêterai pas de dealer. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Transat toute la nappe. Relique sur la table. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Prozac toute la night. Relique sur la taille. L'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Transat toute la nappe. Relique sur la table. L'oseille sur la table.